Je vais vous donner quelques astuces para transformar, pour transformer, su vocabulario francés, votre vocabulaire français en espagnol. Par exemple, de nombreux mots qui en français se terminent en « ible » comme « disponible », « comestible », « possible » ou en « able » comme « potable », « probable », « favorable », etc. sont les mêmes en français et en espagnol, à l'exception de la prononciation, de la pronunciación. Il y a una diferencia, une différence, dans la pronunciación, dans la prononciation, car « ible » en espagnol se prononce « ible » et « able » en espagnol se prononce « hable ». En effet, le « e » se prononce toujours en espagnol, même à la fin d'un mot, et se prononce « e ». Donc, on a « ible » et « hable ». Alors, si vous voulez dire « possible », ça sera « possible » et « probable » donnera « probable ». Pour dire « c'est » en espagnol, on dit « es », qu'on écrit « es »,« es ». Donc, « c'est possible », on dira « est-ce possible ?» Oui, mais je vais entendre « blé » à la fin. « Est-ce possible ?»« Est-ce possible ?»« Est-ce possible ?» C'est ça. « Est-ce possible ?» Possible s'écrit avec un seul S, car le double S n'existe pas en espagnol. Et probable, pour dire c'est probable, on dira Est-ce probable? Le R est roulé, probable. Pour prononcer le R espagnol, qui est un R roulé, il faut faire vibrer la pointe de la langue entre les dents. Pro, pro, pro, pro, pro, probable. Ce R est plus ou moins roulé, suivant sa position dans le mot. Et s'il est simple, comme dans probable, ou double, comme dans terrible. Dans tous les cas, ce n'est pas en forçant sur un R français que vous obtiendrez le R espagnol, car ce sont deux sons produits de manière très différente. Le R français se prononce en faisant vibrer le dos de la langue contre le palais. R, R, hein, vous le sentez, contre le palais. Tandis que le R espagnol s'obtient en faisant vibrer la pointe de la langue entre les dents. R, hein, R. Comment direz-vous « c'est terrible » ? Est-ce terrible ? Encore une fois. Est-ce terrible? Terrible. Terrible? D'accord. Hein? Est-ce terrible? Et c'est acceptable? Acceptable s'écrit avec un seul C en espagnol. Donc, on ne dira pas acceptable, mais acceptable. Alors, encore une fois, c'est acceptable se dit... Est-ce acceptable, blé? Encore? Est-ce acceptable? D'accord, mais on accentue l'avant-dernière syllabe. C'est-à-dire que c'est sur cette syllabe qu'on insiste. Nous y reviendrons plus tard. Hein? Donc, est-ce acceptable? Est-ce acceptable? C'est ça. Hein? Est-ce acceptable?